Bonjour à tous chers amis et bienvenue à Entrepod. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous avons le plaisir de découvrir un nouveau pays où on parle le français. Et c'est pour cela que j'ai en ma compagnie Hamza. Bienvenue Hamza. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien, en pleine forme. Je suis content de recevoir quelqu'un qui vient donc du Maroc. Oui. D'abord peut-être pour commencer ce podcast, ce serait peut-être bien de situer un peu le pays. Pas de problème, en fait le Maroc, ça se situe au nord-ouest de l'Afrique. Ouais. Donc en dessous de l'Espagne, à 16 km de l'Espagne. D'accord. Et voilà, donc en fait à l'ouest il y a l'Atlantique, au nord il y a la mer Méditerranée, ensuite l'Espagne, et à l'est il y a la Tunisie et l'Algérie. D'accord. Et plus au sud il y a la Mauritanie. D'accord. Ouais. Et toi tu viens d'où alors exactement ? De Casablanca. Qui se trouve à l'ouest. D'accord, et qui est ouais. Une des villes principales. C'est la plus grande ville du royaume. D'accord. C'est la plus grande ville, c'est le centre économique du Maroc. Ok. Ouais. Et ça fait combien d'habitants à peu près ? Au Maroc, il y a 38 millions d'habitants, et je pense qu'à Casa, on doit avoisiner les 5 millions. C'est pas une petite ville. Non, c'est pas une petite ville, c'est la plus grande ville du Maroc. Et donc, moi, j'ai introduit ici le podcast en disant que, bon, évidemment, on parle français au Maroc. Oui. Mais est-ce que c'est la langue officielle ? Non, c'est pas la langue officielle. La langue officielle du Maroc, c'est l'arabe. Mais étant donné qu'en fait, on a une grande culture en fait en commun avec le monde francophone, en fait, on était sous protectorat français de 1912 jusqu'aux années. Je crois que c'est jusqu'en 1954. Ouais. Et donc, le français est vraiment ancré dans le Maroc et c'est la deuxième langue la plus parlée au Maroc. D'accord, ça veut dire que, par exemple, les élèves apprennent l'arabe en premier lieu. Ils étudient le français. Et ils étudient le français aussi. Ils étudient le français, exactement. Ouais. D'accord. Dans la plupart des régions du Maroc, c'est l'arabe, ensuite le français. Ok. Ouais. Et alors, quel type de régime on a dans le pays ? Est-ce que c'est un gouvernement ou est-ce qu'on a une royauté ? En fait, c'est une monarchie. Ouais. C'est le roi qui a le pouvoir. Ouais. Mais c'est une monarchie constitutionnelle. Ok. Donc, il y a un roi qui détient la majorité des pouvoirs. Et on a un parlement avec des partis politiques. C'est une démocratie, mais c'est une monarchie constitutionnelle. Donc, ouais. Ça veut dire que d'un côté, on a le roi qui prend la majorité des décisions. Et d'un autre côté, en fait, il y a le peuple qui est représenté par le parlement. D'accord. Et qui, lui, est élu par le peuple. C'est ça, exactement, exactement. Comme tu l'as dit, à un moment, c'était un protectorat français. Il y a eu la colonisation. Les Français étaient là-bas. C'est un protectorat. D'accord. Ça ressemble à une colonisation, mais techniquement, c'est pas la même chose. Ouais. Ouais. Et le roi était toujours en place à ce moment-là ? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, avant, non, on avait des sultans. Ok. Voilà, et donc ça s'est arrêté au sultan Mohamed V. Ouais. Et après, c'est là qu'on a commencé à avoir des rois. Donc le roi Hassan II. Ouais. Et puis maintenant son fils, le roi Mohamed VI. Qui descend de la même lignée que les sultans ? C'est ça en fait. Il y a eu plusieurs dynasties au Maroc. En fait, le Maroc, c'est une histoire très très riche qui a commencé au 8e siècle déjà. Ouais. Et en fait, il y a plusieurs dynasties qui se sont succédées, les Idrissides, les Mérinides. Et là, en ce moment, c'est les Alaouites. Okay. Et donc en fait, le sultan Mohamed V, le roi Hassan II et le roi Mohamed VI, ce sont des Alaouites. D'accord. Ouais. Oui, parce que je me renseignais en préparant l'émission ici. C'est vrai que l'histoire du Maroc a vraiment été très riche. C'est ça. Bon, c'est déjà un pays qui est assez grand quand même, là, qui est assez étendu. Ouais. Mais à un moment, c'était plus développé, quoi. Il se développait un peu sur les bords de la Méditerranée. Ah ouais. Ça allait même beaucoup plus loin que ça. En fait, le royaume du Maroc, ça s'étendait jusqu'à la Mauritanie actuelle. Ouais. Vers le sud. À l'est, ça s'étendait jusqu'en Algérie. Ouais. Et au nord, ça s'étendait sur toute l'Andalousie. C'est en Europe aussi. Voilà, exactement. Mais c'était à l'époque, c'était à l'apogée de l'Empire marocain. Et ça s'étendait vraiment sur un très vaste territoire. Et ça, c'était à quelle période, l'apogée de l'Empire marocain ? Si je me rappelle bien de mes cours d'histoire, je pense que c'était vers le 12e siècle. Ok. Ouais. Mais ça a vérifié, sur le nombre d'habitants, sur voilà, en fait, sur toute l'histoire, ça s'est vérifié sur Wikipédia ou sur d'autres sites, en tout cas. Ok. Donc, tu as décrit ici, tu as dit où se trouvait le Maroc par rapport au pays limitrophes et par rapport à la mer qui borde le pays. Mais sinon, à l'intérieur des terres, au niveau de la géographie, est-ce que c'est plutôt un pays plat, montagneux ? Évidemment, comme c'est le nord de l'Afrique, c'est désertique à certains endroits. Ben, en fait, on trouve à peu près de tous les paysages. Il y a une grande partie du territoire en fait, qui est située dans l'Atlas. Donc là, c'est un paysage un peu plus montagneux. On a des plaines. Donc l'Atlas qui est le nom de la chaîne de montagnes. C'est ça, exactement, et qui s'étend tout le long du Maroc. Ok. Du nord au sud. Ok. Ouais. D'ailleurs, notre équipe de foot, on les appelle les Lions de l'Atlas. Ok. Ouais, c'est leur surnom. Quoi. Et sinon, non, il y a beaucoup de paysages. Bon, on a le désert qui est au sud. Ouais. Et après, on a de vastes plaines qui sont au milieu du territoire. D'accord. Ouais. Et avec aussi une côte formidable. Exactement, ouais, magnifique. Très, très beau paysage. Ah, ça s'étend de Tanger à La Yonne en passant par Agadir. C'est vraiment des très, très beaux paysages. Toutes les personnes qui sont allées m'ont dit c'est formidable. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, on peut s'attendre à un climat assez chaud, non ? Ouais. En permanence ou bien il doit y avoir une différence entre le nord et le sud ? Il y a une différence entre le nord et le sud. Après, ça dépend si c'est en altitude ou pas. Mais moi, le climat que je connais le mieux, c'est plutôt du côté de Casablanca. Le climat, il est bien. Ouais. Il est très, très bien. En hiver, il ne fait pas trop froid, peut-être 15 degrés. Ouais. Ouais, ça, c'est les minimales. Et en été, il doit faire facilement 30 degrés. Bien, ça va. Ouais. Ça. Ah non, c'est bien, c'est parfait. Franchement, c'est le temps idéal. Je mettais très peu souvent des vestes, en fait, quand j'étais à Casa. J'imagine. Ouais. Et donc ça doit ramener pas mal de touristes. C'est une ville assez touristique, Casablanca ? Casablanca, non, pas tant que ça. Les villes touristiques, c'est plutôt Marrakech, Tanger, Essaouira, Oualidia, Agadir, ouais. Plus que Casablanca. D'accord. Ouais. Le Maroc, c'est une économie qui vit pas mal du tourisme. Ouais. D'ailleurs, en fait, il y a un projet du gouvernement en ce moment qui est de ramener 10 millions de touristes d'ici 2012. Ok. Donc voilà. Je crois que pour l'instant, c'est 7 millions de. C'est ça. 7-8 millions. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et l'objectif, c'est d'avoir 10 millions de touristes en 2012, et c'est assez substantiel. Et personnellement, moi, je pense qu'on peut facilement y arriver. Ouais. Enfin, il y a du potentiel. Après, il faut pouvoir l'exploiter. D'accord. Ouais. Et toi, ta ville Casablanca, tu dis par contre, c'est le centre économique du pays. Ouais. Quelles sont les autres richesses alors ? L'agriculture. L'agriculture représente une grande partie de notre PIB. On a aussi certaines matières premières, dont le phosphate. Le Maroc, c'est le pays qui a le plus de réserves de phosphate. Dans le monde ? Dans le monde, ouais. Okay. Le plus de réserves. Plus que la Chine, enfin plus que tout autre pays. Et qu'est-ce qui est exporté aussi quand tu disais l'agriculture majoritairement ? Les olives, tous les fruits et légumes. Ouais, ouais, ouais. Mais surtout le phosphate. En fait, c'est notre matière première qui est la plus exportée. D'accord. Et c'est celle qui représente le plus gros pourcentage de notre PIB. Ok. Ouais, mais sinon, après, il y a l'industrie des services. Ouais, voilà, le secteur bancaire est développé. Voilà, exactement. Enfin, on est vraiment en boom économique. Ouais. On a eu, je crois, à peu près 6% de croissance en 2008. C'est pas mal pour une année comme 2008. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal pour une année comme 2008. Ouais. Donc, tu as dit qu'il y a énormément de tourisme. Tu as cité Marrakech. Quels sont tes endroits préférés ? Enfin, c'est difficile parce que le pays est énorme, donc il y a énormément de choses. Mais pour des touristes, quels sont les endroits que tu conseillerais comme une personne qui va visiter la France ? Bon, il faudrait voir la Tour Eiffel, peut-être le Mont Saint-Michel, aller faire un tour sur la Côte d'Azur. Au Maroc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'endroits qu'on peut visiter. Ouais. Et en fait, ça dépend dans quelle optique on va au Maroc. Ça dépend si en fait on y va pour découvrir la culture du Maroc, ouais. Ou si on a envie de se détendre, ou si on a envie de sortir, faire la fête, ou si on a envie de faire des randonnées dans le désert. En fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités. D'accord. Et c'est possible, en un seul voyage, de tout faire. Ah, possible ou possible ? C'est possible. C'est possible. Après, on ne peut pas le faire peut-être en 3 jours, mais après, si on prend un voyage d'une semaine, 2 semaines, plus de 2 semaines, on a le temps de faire un bon tour. Donc moi, les endroits que j'aime beaucoup au Maroc. Déjà, il y a le nord, il y a Tanger. Donc là, en fait, c'est sur la Méditerranée. Moi, franchement, j'adore cette mer parce qu'elle est vraiment très calme, très belle. Il y a vraiment des très, très belles plages. Ouais. Ensuite, si on descend un petit peu plus vers le sud, il y a toute la région de Casablanca et ses environs. Donc sur la côte, là aussi, il y a des très, très belles plages. Ensuite, si on descend un peu plus bas, il y a Marrakech. D'accord, qui est vraiment connue mondialement. Ah ouais, Marrakech, elle est très, très connue pour sa vie la nuit, mais aussi pour sa culture. C'était en fait une ancienne capitale du Maroc. Ouais. Donc c'était une très très grande ville, il y a de très très beaux endroits à découvrir là-bas. Et il y a une place très connue à Marrakech. Ouais, la place Jemaa el Fna. Pardon ? Jemaa el Fna. Ouais. C'est une place où il y a des restaurants, il y a des charmeurs de serpents, il y a des voyantes, il y a des petits spectacles, enfin il y a tout quoi, c'est un petit microcosme en fait. C'est à faire. J'imagine, ouais. Ouais. Et après, il y a aussi les stations balnéaires, c'est ça. Tu décrivais la Méditerranée, mais après j'imagine sur l'Atlantique, il y en a aussi là-bas. Sur l'Atlantique, ouais, il y en a pas mal. Il y a Oualidia, il y a Souera, il y a Agadir. Ouais. C'est vraiment des très très belles villes aussi. Je les aime beaucoup. Ouais. Et là, évidemment, on a l'Atlantique. L'Atlantique, ouais. Cet océan. Très froid. Très froid. très froid, assez mouvementé. C'est différent, ça change beaucoup de la mer Méditerranée. Moi, je préfère la mer, c'est beaucoup plus calme. Donc, tu préfères la mer plus chaude l'océan. Exactement, ouais. Dire que l'océan, c'est trop froid. Ouais. Ouais. Après, il y a aussi, pour ceux qui aiment bien le windsurf, la planche à voile, je leur conseillerais aussi d'aller vers une petite ville qui s'appelle Essaouira. Ouais. On l'appelle la ville du vent. Okay. C'est une ville où les conditions, en fait, climatiques, elles sont vraiment idéales pour tous ceux qui ont envie de faire de la planche à voile et du kitesurf. C'est vraiment une ville où il y a des gens du monde entier qui viennent spécialement pour ça. Un spot. Exactement, c'est un spot. Ouais, comme, enfin, ouais. Les comme surfeurs, disent, voilà, ouais. comme ils disent les surfeurs, c'est un spot. Et t'as aussi parlé des randonnées dans le désert, ça, ouais. ça j'aimerais bien le faire. Ça, ouais, personnellement, ouais. Moi, j'en ai pas encore fait. Ouais. Ouais. Mais ouais, moi aussi, ça me tente beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Et là, elles se font quoi, à cheval, dromadaire ou Plus en dromadaire. Ouais. Plus en dromadaire en chameau. Je pense que ça résiste mieux dans le désert que des chevaux. Okay. Mais sinon, on peut le faire aussi en 4x4, en quad, en motocross. Je pense qu'il y a plusieurs options. Waouh. Ouais. C'est un désert de sable, aride, ou c'est un désert rocailleux? C'est non, c'est un désert de sable. Enfin, dans le sud, le Sahara, ouais. C'est un désert de sable. Okay. Mais je pense qu'on peut trouver les deux. Je pense qu'on peut trouver des airs rocailleux, mais le Sahara, c'est vraiment un désert de sable. D'accord. Avec des dunes. Et là, on peut s'arrêter et on dort dans le désert. Je crois que des amis l'ont fait. Et là, c'est des randonnées qui durent plusieurs jours. C'est donc, ça. Et on a la possibilité de dormir dans le désert. Dormir dans le désert ou dormir dans des petits villages ou même des fois dormir dans des petites maisons qui sont un petit peu perdues dans le désert. Ouais. Chez des petits villageois qui sont vraiment, vraiment très, très gentils, très accueillants et qui peuvent même vous préparer du thé à manger. C'est vraiment sympa. C'est très bien que tu dis ça, comme ça on peut passer à la dernière question. Voilà. À la gastronomie. D'accord. J'imagine qu'il y a pas mal de choses, mais si tu pouvais citer les principaux plats. Ouais. Mais déjà, en fait, il faut savoir qu'au Maroc, en fait, on n'a pas d'entrée, de plat et de dessert. En fait, on a un plat et on a des accompagnements qui sont autour. Après, c'est extrêmement varié. La gastronomie marocaine est extrêmement variée. Je sais pas, pour donner quelques exemples de mes préférés, il y a le couscous. Ouais. Il y a le tagine du poulet au pruneau. Et pourquoi ça porte ce nom, ce tagine ? Bah, le tagine, en fait, c'est un plat. Ah d'accord. C'est une sorte de plat, ça ressemble un petit peu à une soucoupe volante. Ouais. Et en fait, c'est là qu'on cuisinait les plats avant. Okay. Et donc le nom est resté et c'est un tagine. Tagine, ça veut dire plat. Et c'est cuit dans le plat ? Avant, tous les tagines, ils étaient cuits dans le tagine. En fait, tous les plats ils étaient cuisinés dans le tagine. Maintenant, on les cuisine pas obligatoirement dans le tagine, surtout dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat. Cette tradition, on l'a un petit peu oubliée, mais on appelle toujours nos plats tagine. OK. Ouais. Et donc, il y a des tagines de poulet ou d'agneau ou... Il y a poulet, agneau, bœuf, poisson. Poisson aussi. et après, ça varie en fait avec les légumes qu'on met. D'accord. Donc, ça peut être bœuf, carotte. Olives. Ouais, bœuf, olive. Enfin, il y en a tellement, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ce que je comprends, c'est très diversifié, quoi. Très diversifié, ouais. Beaucoup de légumes différents. Beaucoup de légumes, beaucoup d'épices. Ok. Beaucoup de couleurs aussi. Et on mange tous, enfin, généralement, en fait, on a un grand plat. Ouais. Et tout le monde mange dans le même plat. Ok. Et aussi certains desserts qui sont extraordinaires. Les desserts, ouais, c'est des pâtisseries. On a pas mal de gâteaux de pâtisseries, en fait. Ouais. Qu'on prend à la fin du repas avec un thé ou un café. Il y a des cornes de gazelle, il y a des petits biscuits qu'on appelle des brewat, il y a aussi des chibakia, enfin il y a vraiment beaucoup, on a vraiment beaucoup de pâtisseries aussi. Ouais. Et donc toujours avec du thé ? Avec du thé, ouais. Du thé vert, à la menthe. Du thé à la menthe. Du thé à la menthe. C'est un must. C'est obligatoire d'en avoir au moins un par jour. Ouais ? Ouais. Ouais, c'est excellent en plus. C'est vraiment très très bon. Ouais. Et donc toi personnellement, tu viens de Casablanca. Ouais. Toute ta famille également ? Toute ma famille, ouais. Ouais. Ouais. Et après, tu es parti en France ? C'est ça. En fait, après le lycée, après avoir eu mon bac, je suis parti en France pour aller étudier. Ok. Ouais. Et là, tu t'es retrouvé où ? Je me suis retrouvé à Bordeaux. D'accord, ouais. Ça t'a plu ? Ville géniale, ville magnifique. Enfin, le climat pour moi, je le reconnaissais un petit peu parce que c'était au sud-ouest de la France. Ouais. Donc ça ressemblait un petit peu à Casablanca, donc pas de gros changements de ce côté-là. Et sinon, les gens étaient très très accueillants. Ouais. Ouais. J'ai vraiment adoré cette ville. Mais par contre, tu comptes retourner après au Maroc ? C'est ça, ouais. Ouais. Je vais continuer, enfin je vais encore voyager encore un petit peu avant. Mais dans quelques années, je pense que je vais rentrer chez moi, à Casablanca, oui. Ouais. Dans ce magnifique pays. Où je vous conseille vraiment tous d'aller. Franchement, je n'ai eu que des retours positifs des gens, des amis qui ont été visiter ce pays. J'espère qu'on vous a donné l'envie d'y aller. Si vous avez la moindre question concernant l'émission, concernant le pays, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la page de discussion. J'étais ravi de t'accueillir ici, Ramza. Moi aussi, moi aussi. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. À bientôt. Salut à tous. Au revoir.